Attends, attends, attends. Attends, je te dis, attends. Wesh. Il se parle tout seul, la suite. Le gars, il est seul, tout, mon frère, il se parle seul, tout, gros. Vas-y, écoute. Vas-y, laisse parler mon inspi, je crois qu'elle est bien brute. Avec la vie, je me tape, j'encaisse les hypercutes. Tu peux me voir pisser le sang, vider l'encre. Mauvaise descente quand j'ai des montées de sang. Hey yo, j'canalyse l'écriture, j'analyse les figures, j'harmonise mes morsures, brutalise et torture. Avec un coup de crayon, j'expose mes ratures. J'me bats avec celui que je vois dans mon miroir, j'plaide la folie. Mes chagrins pèsent trois fois mon poids et on me demande de rester poli. Je me rappelle à moi-même que parfois je m'oublie, parfois je souris, sachant qu'à l'intérieur je pleure. Compliqué d'abriter la pensée positive. Putain mon frère, je te jure que j'essaie. Regarde l'état du globe, forcément je récidive. J'emmerde ma conscience, parfois on siffle une taille avec quelques refrains. Qui t'a dit que j'étais un exemple à suivre? Je retiens ma fougue impolie comme un falling drive. Où sont mes boucles, les interdits, je brave. Plus de limites, la fantaisie me gave. Où sont mes principes, j'parle en cash. Je retiens ma fougue impolie comme un falling drive. Où sont mes boucles, les interdits, j'brave. Plus de limites, la fantaisie me gave. Où sont mes principes, j'parle en cash. Certains me traitent de fou à croire en Dieu, mais idolâtre le diable. Je ne vais que relever les grosses lignes, ici pas de morale. Tant de mauvais regards que mes morales. Traction avec le mental, ma mine fait le point sur tes fractures dorsales. J'écarte mes cicatrices pour sentir mon effort mal. Un peu sadique j'avoue, je te passerai un savon si tes pensées sont sales. C'est pas du rap conscient, j'ai pas la science. Et je comprends pourquoi on s'enfume l'encéphale. Et je pisse quand c'est fade, et j'en ris quand c'est grave. Je crèverai d'un concert au pied de mes fans. Putain c'est un ouf la suite. Comment ils pensent, comment ils bougent, comment ils touchent. Mes doutes deviennent des certitudes. Je rédige des phases de fou jusqu'au bout de la nuit. À l'heure où je gratte, j'ai un pied dans l'au-delà. Jamais seul, mes mots se lâchent. Avalanche de folie. Écoute, tout sort de là. J'ajoute qu'il faut que je me lâche. J'entretiens ma fougue impolie comme un falling drive. Où sont mes boucles, les interdits, j'brave. Plus de limites, la fantaisie me gave. Où sont mes principes, j'parle en cash. Je retiens ma fougue impolie comme un falling drive. Où sont mes boucles, les interdits, j'brave. Plus de limites, la fantaisie me gave. Où sont mes principes, j'parle en cash. La goutte fait déborder le vase, la folie deviendrait ma base. L'insomnie en marque-page, le son prison squat l'étage. Quand les carottes sont cuites, mes yeux contemplent les marches. Nerveux pourtant très calme, l'enjeu n'est pas égal. Dessine des cibles, dessine des débris. Désigne que je débride, là je décide sans décis. Des styles et des sticks, des spliffs, des sbires, je distille. Sniff les lignes du cahier. Ma folie plaide et peut s'endormir sur ton palier. Y'a un goût de semelle, consciemment j'y remets les pieds. Constamment je relouque le sommet. Ma folie me rappelle qu'en touchant le fond, j'évite de perdre pied. Affolant, dépendant de l'insolence, défendant de la démence. En chantant j'entends transe. Jette le pavé dans la mare qui poursuive la mouvance. J'assume qu'on me traite de connard sans demander la clémence. Je retiens ma fougue impolie comme un falling drive. Où sont mes boucles, les interdits, j'brave. Plus de limites, la fantaisie me gave. Où sont mes principes, j'parle en cash. Je retiens ma fougue impolie comme un falling drive. Où sont mes boucles, les interdits, j'brave. Plus de limites, la fantaisie me gave. Où sont mes principes, j'parle en cash.